Vocabulario número 5. La nacionalidad. La nacionalidad. La nationalité. La nationalité. ¿De dónde es usted? D'où êtes-vous? D'où êtes-vous? ¿De dónde vienes? D'où viens-tu? D'où viens-tu? ¿Dónde vives? Où habites-tu? Où habites-tu? El origen. L'origine. L'origine. Extranjero. Étranger ou pays. Étranger ou pays. Forastero. Étranger à la région. Étranger à la région. Ser originario de. Être originaire de. Être originaire de. El lugar de nacimiento. Le lieu de naissance. Le lieu de naissance. El país. Le pays. Le pays. Francia. La France. La France. Europa. L'Europe. L'Europe. Argentina. L'Argentine. L'Argentine. Bolivia. La Bolivie. La Bolivie. Brasil. Le Brésil. Le Brésil. Chile. Le Chili. Le Chili. Colombia. La Colombie. La Colombie. Costa Rica. Le Costa Rica. Le Costa Rica. Cuba. Cuba. Cuba. Ecuador. L'Équateur. L'Équateur. España. L'Espagne. L'Espagne. Guatemala. Le Guatemala. Le Guatemala. Honduras. Le Honduras. Le Honduras. México. Le Mexique. Le Mexique. Nicaragua. Le Nicaragua. Le Nicaragua. Panamá. Le Panama. Le Panama. Pérou. Le Pérou. Le Pérou. República Dominicana. La République Dominicaine. La République Dominicaine. El Salvador. Le Salvador. Le Salvador. Uruguay. L'Uruguay. L'Uruguay. Venezuela. Le Venezuela. Le Venezuela. Argentina. Argentin. Argentin. Bolivian. Bolivien. Bolivien. Brasileño. Brésilien. Brésilien. Chileno. Chilien. Chilien. Colombien. Colombien. Colombien. Costarricense. Costaricain. Costaricain. Cubano. Cubain. Cubain. Dominicano. Dominicain. Dominicain. Équatorien. Équatorien. Équatorien. Espagnol. Español, español. Europeo, européen, européen. Francés, français, français. Guatemalteco, guatemalteque, guatemalteque. Hondureño, hondurien, hondurien. Mexicano, mexicain, mexicain. Nicaragüense, nicaragüen, nicaragüen. Panameño, panaméen, panaméen. Peruano, péruvien, péruvien. Salvadoreño, salvadorien, salvadorien. Uruguayo, uruguayen, uruguayen. Venezolano, vénézuélien, vénézuélien.